بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه بعض الكتاب يكتبون صاد أو صلعا بدلا من صلى الله عليه وسلم، فما الحكم إذا كان الكاتب مستعجلا في الكتابة، وما حكمه إذا كان غير مستعجل؟ Ils ont posé la question à Cheikh ibn Uthaymeen رحمة الله عليه sur le fait d'écrire صاد au lieu d'écrire صلى الله عليه وسلم quand on écrit. Et en langue française, pardon, ils écrivent S entre parenthèses. Pardon, ils écrivent P, B, S, L. Et paix et bénédiction soit sur lui. Ils écrivent pas sallallahu alayhi wa sallam. Ils abrègent. Est-ce que c'est permis? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل هذا حرمان يحرمه العبد. صحيح. Il y en a celui qui sait. Il y en a celui qui dit sallallahu alayhi wa sallam. من صلى علي صلاة واحدة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui fait une salat sur moi et qui dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alayhi 10 marrat. Et ça c'est une ni'ma azima. Ça c'est une ni'ma azima. Donc on ne doit pas s'en priver. Beaucoup de récompenses celui qui dit sallallahu alayhi wa sallam. Amma celui qui abrège en écrivant, il écrit S ou P, B, S, L ou autre. Hada, il n'a pas fait as-salat. والسلام على إلى با نعم دي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Pour gagner quelques secondes. Ça nous montre l'importance de l'ihtisab. Et quand on fait quelque chose, quand on écrit, si on se rappelle de l'importance et on se rappelle de la récompense, ça nous aide. Qu'est-ce que tu perds? C'est comme le salam. Pardon, ils disent même plus quand ils écrivent السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. Pardon, ils mettent S L M. Et salam, بعضهم ils disent même plus salam. Limad. Alors qu'il y a une récompense énorme. Et ça, si on réfléchit, qalilan un peu, c'est des hasanat très très faciles. On qadr que tu écris, le prophète a dit. Ça va te prendre quelques secondes. Tu écris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Combien de secondes? On va rajouter une seconde, deux secondes, trois secondes, cinq secondes. Et l'ajr, il est azim. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين كل هذا حرمان يحرمه العبد. الحقيقة l'être humain qui se prive d'un énorme bien. لكن quand c'est donné on fait des efforts. Quand c'est donné on fait tout pour acquérir le plus. On doit être encore plus motivé pour les hasanat, les bonnes actions. قال لأنه إذا كتب صلى الله عليه وسلم فقد كتب دعاء يكتب له به عشر حسنات. وإذا رمز لم يحصل على هذا الدعاء. نعم s'il abrège, il n'a pas la récompense. Il y en a la récompense, elle est liée au fait de faire ce dua. Quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dua. C'est un dua pour le prophète عليه الصلاة والسلام. ثم إنه إذا كتب الصاد جاء إنسان ليقرأ ولا يعرف هذا الاصطلاح. Surtout à notre époque, avec les réseaux sociaux, avec les salons, avec les messages. Peut-être que واحد il va lire ton message, c'est écrit entre parenthèses S, et il ne sait pas. Il y en a peut-être que c'est un musulman qui va lire ou c'est pas un musulman, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît cette abréviation, peut-être que non. قال وجاء إنسان ليقرأ ولا يعرف هذا الاصطلاح فيقول قال النبي صاد وهذا غلط عظيم. C'est comme si صاد c'est une lettre en langue française, c'est le S qu'ils mettent en général. C'est comme si tu disais le prophète S a dit, et ça c'est grave. واحد ربما il sait pas, il se demande c'est quoi هذا. وهذا غلط عظيم أو يقول قال النبي صلعا فيجعل صلعا اسما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم peuvent penser que cette abréviation c'est un nom du prophète عليه الصلاة والسلام. على كل حال كره العلماء ذلك وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام وإما أن يدعها. Si on considère que واحد vraiment il a pas le temps ou il sait pas écrire ou مهم il sait pas l'écrire en arabe. على كل حال s'il peut l'écrire, il écrit, ou il n'écrit rien. Il n'a pas besoin de mettre cette abréviation. Et on conseille les frères de prendre du temps في هذا. Surtout maintenant avec les messages. Et ça nous montre en ضرو. Quand celui, il s'habitue à ne pas faire du bien et il néglige les bonnes actions avec les messages, كما تعلمون الآن, c'est enregistré. C'est pré-enregistré. Quand tu écris un mot, maintenant, quand tu as l'habitude d'écrire sallallahu alayhi wa sallam, quand tu écris le prophète, ton clavier te propose directement. Mais à هذا بعض الناس ils passent et ils écrivent pas. Ça c'est من الحرمان. Et كذلك c'est من الجزاء. الجزاء من جنس العمل. Vu que certains ils donnent pas d'importance à هذا, فلا يوفقوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite plus hada, ils se privent eux-mêmes de bonnes actions. Qala wal qari huwa alladhi yusalli amma ar-rumuz fa hiya makruha. Et une faïda كذلك ان si c'est pas écrit sallallahu alayhi wa sallam, fa nahnu on le dit. Ahyanan un message ou un livre ou un audio, tu entends quelqu'un dire le prophète et il dit pas sallallahu alayhi wa sallam, ça arrive. Khassatan avec les audios et le citer à chaque fois, la chaque an l'insan il oublie. Fa anta si c'est pas cité, anta tu dis sallallahu alayhi wa sallam. والله تعالى أعلم ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين